bonsoir, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 539, avec comme album de la semaine l'album Tug of War de Paul McCartney en 1982. On écoutera Ebony and Ivory avec Monsieur Stevie Wonder, il y aura également Take It Away, il y aura également Somebody Who Cares sur l'album Tug of War, toujours Wanderlust, la fantastique chanson Wanderlust. Il y aura également encore What's That You're Doing, une chanson qui a certainement été plus composée comme dans le style de Stevie Wonder, mais sur lequel McCartney est là, bien entendu, puisque c'est Stevie Wonder McCartney, et c'est très, très, très bien. Et on terminera avec Ballroom Dancing. Il y aura également du Lennon avec Remember, du George Harrison avec Apple Scruffs. Ringo Starr nous chantera Love Don't Last Long, l'amour, ça ne dure pas longtemps, hélas. Quant aux Beatles, il y aura quelques surprises que je vous annoncerai au fur et à mesure. Comme nous sommes en retard, je vous propose d'y aller, Franco, d'y aller maintenant. La chanson démarre tout de suite, Ebony and Ivory. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Bonne soirée à toutes et à tous, c'est parti. Le 5 novembre, voici Apple Scruffs, George Harrison en 1970.

avec Jill Martin qui a tout fait. Eh bien, je vous en propose quelques titres parsemés ça et là qui ne sont pas encore sortis. Écoutez tour à tour Ebony and Ivory de McCartney avec Stevie Wonder, Remember de John Lennon, Apple Scruffs avec George Harrison, et puis il y a quelques secondes c'était Love Don't Last Long de Ringo Starr, suivi de Here, There and Everywhere, la version stéréo mix 2022 sur l'album Super Deluxe des Beatles qui va sortir dans quelques jours, vendredi me dit-on. Avant de retrouver l'album de la semaine à nouveau, je vous propose, puisqu'on a écouté les quatre Fab Four et même les Beatles, habituellement je le fais avant, de vous concentrer sur le meilleur site pour pouvoir tout comprendre des Beatles, pour pouvoir tout savoir sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Oui, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Et retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Tug of War. Et le titre du morceau, c'est Take It Away sur RIG. Take it away, wanna hear you play till the lights go down. Take it away, don't you wanna stay till there's no one else around. A 100 miles to watching the show with a paper in his hand. Some important impresario has a message for. Take it away. But I can rock as good as Gibraltar. la passe rarement, cette chanson Wreck of Express. C'est sur l'album Cloud Nine de George Harrison en 1987. Je vous propose de revenir sur ce super revolver de luxe, super de luxe, qui va sortir vendredi. Et ça vous donnera l'occasion d'être surpris comme moi. Parce que j'ai toujours, mais franchement, toujours cru que Yellow Submarine avait été composé aux trois quarts, on va dire, par Paul McCartney. Eh bien non. Au départ, c'est une composition, comme vous allez l'entendre, par John Lennon, sur laquelle Paul McCartney est venu ajouter son toucher à lui. Écoutez, parce que vous allez entendre Yellow Submarine Songwriting Work Tape Part 1 et Part 2 à la suite. Vous allez voir comment évolue une chanson. In the place where I was born, No, but you know how to sing it. I can't see it. Oh, yeah, okay. It's just a critical mic. Can you read that? Yeah, I can read it okay now, Paul. Right. You can play on your track and I'll play on mine. Yeah, I think it's going to be Marlison or Jekyll. No, I don't think so. Well, just... It's not recording, is it? It is now. Turn it up, then. No, I haven't been singing it. Hello? Yes, you have. No, I haven't. No, come on, chaps, now, cut it out. We've got to get a song done. And they told Avouez qu'on n'est pas très très loin de la version finale. Et ça a commencé par « Dans la ville dans laquelle je suis né, mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout ». Ça, c'était la version Lennon. Et est arrivé l'optimisme et le raconteur d'histoire de McCartney. « Dans la ville dans laquelle je suis né, vivait un homme qui, un marin qui s'en allait dans la mer, etc., etc. Qui voguait dans la mer, etc. » C'est ça, toujours optimiste, Paul McCartney. Tiens, allez, on va faire un clin d'œil à la muse de Monsieur Lennon sur l'album Imagine en 1971. Parce que, bon, j'aurais mis un autre nom, mais sinon elle est sympa cette chanson. Elle va pas très très loin, mais elle est sympa. Oh, Yoko sur RIG, oui, c'est bien ça. RIG, la radio des Beatles. Thank you.

1973 et l'album Ringo, cet album sur lequel on a cru au regroupement des Beatles puisque est venu travailler Paul, John et George sur le même album de leur pote Ringo, mais jamais ensemble, enfin surtout avec Paul. Paul a été tout seul avec Ringo et George et John ont été ensemble avec Ringo, mais ils ne se sont pas tous vus ensemble, mais bon, c'est pas grave. En 1973 aussi, sur l'excellent album Living in a Material World, voici justement la chanson The Light That Has Lighted the World. Elle est cool, elle est tranquille. Et c'est une très très belle chanson sur RIG. I've heard how some people have said that I've changed, that I'm not what I was. How it really is a shame. Elle est très belle cette chanson, elle l'endort un petit peu mais elle est très belle. Non mais les paroles, il faut écouter les paroles également. On revient sur l'album Revolver, d'accord ? Après il n'y aura pas que du Revolver toute la soirée en fonction des moments Beatles. Hein. Mais là je vous propose Got to Get You Into My Life qui va apparaître vendredi sur l'album, sur le coffret Revolver Mix 2022. Et voici la seconde version de Got to Get You Into My Life. I tell you I need you every single day. What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. I'm about to get you into my life. Get you Galet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Galet est devenu cet homme. Passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Avant de retrouver l'album de la semaine, je vais faire une pub pour lui plus tôt, dans 57 minutes, parce que là on va fermer à l'heure pour lui. Ce sera la 500e de Johnny de A à Z avec Eric, et il vous a préparé des surprises, et ça va être absolument génial. Il a parlé du coffret Percy, si je me souviens bien de ce qu'il m'a dit, et restez à l'écoute, ça va être très très très très bien. Où en sommes-nous ? Oh là là là là, quelle belle chanson ! Extrait de Tug of War, l'album de la semaine par Paul McCartney en 1982. Voici Wanderlust sur RIG. C'est à la réflexion de Rook sur Facebook qui a marqué quelle voix à l'époque que je me suis dit que en 1982, Paul McCartney était connu depuis 20 ans. Il avait eu globalement 10 ans de fait avec les Beatles. Il était devenu une sacrée légende. Il avait 40 ans en 82, une voix extraordinaire. Et cette année, il a été pris en photo, le fils de Paul, James McCartney, avec un ventre rond. Bon, je me moque pas des ventres ronds parce que j'en fais partie. Des cheveux clairsemés et puis un look de clochard, quoi. C'est-à-dire, James Paul McCartney n'a sorti que deux albums qui sont passés totalement inaperçus. Sauf qu'il s'appelle McCartney, donc on a pu écouter éventuellement. Mais voilà la différence qu'il y a entre le fils et le père. Ça ne se transmet pas, le talent, malheureusement, pour lui en tout cas. Nous en sommes à La Cover. La Cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et même si eux-mêmes, que ce soit en solo ou pas, reprenaient la chanson de quelqu'un d'autre. Du moment qu'elle a été chantée par les Fab Four, La Cover, c'est une reprise de Nos Copains. Eh bien, c'est Tina Turner qui s'en charge en 1976 sur l'album qui s'appelle All This and World... Ce soir, j'ai du mal. All This and World War II. Et cette chanson, Come Together, sur RIG. Go, Tina, go. Just do it.

après avoir écrit une envolée contre Paul en 1971 sur How Do You Sleep, là cette fois-ci en 1974 sur Walls and Bridges, Steel and Glass concernait Alan Klein et les paroles sont plutôt bien bien vaches pour Alan Klein. Il faudra les réécouter si vous n'avez pas prêté attention. C'était John Lennon, donc vous l'avez bien compris. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Tug of War, sorti en 1982 par Paul McCartney. Et vous savez que j'ai toujours dit, je vous ai toujours donné mon admiration pour Paul McCartney et sa faculté à être un caméléon, à se glisser dans tous les styles. Lorsqu'il a demandé à Stevie Wonder de venir partager une ou deux chansons sur son album, il a d'abord écrit Ebony and Ivory dans son style à lui, Paul McCartney. Et on sent que c'est le style de Paul McCartney, une ode à la paix, les touches blanches, les touches noires. Et puis Stevie Wonder qui est noir, Paul McCartney qui est blanc. C'était plutôt une bonne idée, très simple, mais très bonne. Et bien là, McCartney et Stevie Wonder s'aventurent du côté funky. On va dire que Stevie Wonder a l'habitude, mais McCartney moins. Et il s'y glisse avec délice, j'oserais dire. Voici What's That You're Doing. J'adore cette chanson, elle est un petit peu longue, mais elle est bonne. Good morning. Or good afternoon. Good night. Girl, I like you.

24 minutes, ce sera la 500e de Johnny de A à Z. Avec qui ? Eric. Oui, vous avez raison, avec Eric. Pour l'instant, ce sont les Beatles. Let's go. Comes the Sun, Something, While My Guitar Gently Weeps. Trois morceaux, par exemple, entre autres, qui vous prouvent que George Harrison était arrivé au niveau de John et Paul en cette fin des années 60. Là, nous sommes en 1982 sur Gone Tropo. Voici Unknown Delight. Je la passe rarement aussi. C'est George Harrison sur RIG. Deep brown eyes I've seen. The angel came into my dream, like the morning's early light, refreshing all around. And with all the love you bring, unknown delight. D'heure, on rend l'antenne pour la 500e de Johnny de A à Z. Dernier extrait de l'album de la semaine Tug of War avec un petit rajout de ma part. Vous allez comprendre ceux qui ont l'album. Je laisse défiler parce que ça commence tout seul dans une seconde à peine. Donc écoutez.

écoutera, promis. Dans quelques secondes, une poignée, ce sera Johnny de A à Z. Merci d'avoir écouté cette émission, la numéro 539. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autre chose. Ce sera la 540e. Je crois que mon petit doigt m'a dit que ce sera un live, mais on ne sait jamais. Restez à l'écoute. À très bientôt, ça va être bien. Johnny de A à Z, la 500e. Je vais écouter toute la nuit. Enfin, peut-être pas, il aura peut-être terminé avant la fin de la nuit, mais bon. Enfin, en tout cas, je vous laisse avec Eric. À bientôt, ciao.